Bonsoir, nous ne sommes pas au studio d'Air Libre ce soir avec Tranche d'Anard, mais nous avons fait un montage avec plusieurs annonces pour les jours à venir. D'abord, on commence avec une interview faite par Radio Zinzine en France, à Forcalquier, qui sont solidaires avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et qui ont fait un interview avec un habitant qui a vécu la destruction d'un projet agricole collectif qu'ils ont construit depuis 5 ans. Mais ce lundi matin, 9 avril, à 3 h du matin, les explosions ont commencé à la ZAD, la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes. Cette opération s'est déployée dans toute sa brutalité et il y a un appel pour venir les soutenir sur place au plus vite. On passera à une interview de 9 minutes. Et après, les annonces des actions qu'on fera pendant cette émission, on lancera aussi une reprise d'une émission faite par Radio Klaxon le 12 mars 2018 pour mieux comprendre la situation actuelle à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Radio Klaxon, c'est un radio pirate mobile à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui est à écouter à radioklaxon.noblox.org ou sur Indymedia Grenoble, ou aussi vous pouvez trouver les podcasts des émissions à leur site web zad.nadir.org, zad.nadir.org. Donc c'est le site de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc Michel, toi tu habitais donc un lieu qui a disparu maintenant, enfin, à son nom. J'aimerais bien que je viens d'expliquer en gros hein, ce qui s'est passé, mais peut-être parce que toi tu habites vraiment ici, un peu ton sentiment sur cette journée qui était vraiment éprouvante pour tout le monde, mais beaucoup pour toi et tes copains et copines là, au son nom. Ben, j'arrive pas trop à y croire. Je suis encore, je réalise pas ce qui s'est passé. Ils ont détruit notre lieu. Ils ont détruit, commencé par détruire le hangar. Bon, Et avant ça. vous pouvez l'expliquer en gros votre lieu, son histoire et en quoi il consistait? Oui, en fait, les Sans Noms, c'est à la fois un collectif d'habitants. On est 8 personnes à habiter là, avec un petit chat, une vingtaine de moutons et 3 ânesses. Et on a construit notre maison, une grande maison en bois avec un étage, cuisine, salon, salle de bain. Et on a construit une éolienne qui nous fournit en électricité. On a construit un atelier et puis on a tous nos chambres qui sont des cabanes à droite à gauche ou des caravanes. Il y a un énorme jardin potager qui nous fournit en légumes, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'acheter de légumes. Et puis un atelier, 2 serres. Et puis on a construit un grand hangar. Pour faire une bergerie, pour aussi accueillir diverses activités, poterie, etc. Bergerie parce qu'on projetait, on projette d'avoir un troupeau de moutons d'à peu près 80 moutons. Et voilà, tout ça, c'était notre projet collectif. Et est-ce que ça, c'était déjà, comment dire, ça pouvait s'envisager, ça pouvait faire partie d'une négociation, parce qu'il y a quand même eu une période de négociation avec la préfète. Est-ce que ça en faisait partie, par exemple? Oui, bien sûr. Enfin, c'est comme plein d'autres lieux sur la ZAD, on était en négociation avec la préfète, en discussion. On a déposé tout un tas de statuts pour des associations, aussi pour une COP, c'est-à-dire une convention d'occupation précaire, Ah mais oui, globale donc pour toute la ZAD. pour vous, l'enjeu, c'était de trouver des formes juridiques qui puissent correspondre à l'originalité de la démarche, c'est ça? Exactement. Ouais. Et en Et fait. ça, au départ, c'était pas la préfète ne semblait pas fermée à ça ou quoi? En fait, la préfète, elle a demandé à ce qu'on fasse des COP agricoles individuelles, pour dire qu'on avait des projets agricoles, mais individuels. Ça n'incluait que la possibilité de projet agricole, et que la possibilité de projet individuel. Or, ici, ce qui se passe, c'est des choses qui sont prises, collectivement. Donc, en fait, c'est la négation de la possibilité de faire des projets collectifs. Voilà. Et est-ce que vous pensez que la préfète, par rapport à ça, parce que c'était quand même en discussion, est-ce qu'il y a eu un double jeu, ou elle-même, est-ce qu'elle a été prise de court par les autorités nationales? C'est un truc qui est difficile à comprendre. Oui, c'est difficile à comprendre, mais ça, j'en sais rien. C'est sa responsabilité, je ne sais pas du tout. Ouais. Et du coup, vous, toute votre initiative, elle est foutue en l'air, quoi. Ça a été cassé aujourd'hui, détruit, ou quoi? C'était détruit à la pelleteuse. Ouais. Et voilà. Et ça fait 5 ans qu'on habite sur le lieu et qu'on l'a construit. Et ils sont arrivés ce matin. L'huissier n'a même pas montré les documents, les ordonnances d'expulsion. Ouais. Et il a juste dit, vous avez 10 minutes pour partir. 10 minutes pour faire vos affaires et partir. Mmh. Et ça, ça a été le cas pour d'autres lieux. Et ça a été le cas pour plein d'autres lieux. Je ne sais pas combien de lieux ont été détruits là. Je sais qu'il y a eu la Nous Non Plus, Youpi Youpi, Planchette, la Chèvrerie. Et vos réactions alors, c'est... Eh bien, je ne saurais même pas dire comment je réagis. Je n'ai pas les mots. L'émotion est... Je ne sais pas quoi dire, quoi. C'est assez incroyable. Moi, je crois que j'arrive toujours pas à réaliser ce qui s'est passé. Je sais pas, du coup, où on dort ce soir, où on dort la semaine prochaine. J'ai pas d'inquiétude pour ça, parce que je sais que plein de gens vont nous ouvrir leurs portes et tout ça, mais en gros, qu'est-ce qu'on devient, nous, parce qu'on est attachés les uns aux autres. Mmh. Et ils nous ont donné des tickets d'hôtel pour les 2 nuits, 2 tickets par personne. C'est n'importe quoi. Ouais, on va faire 2 nuits d'hôtel, super, on va dormir tout seul. Mmh. En fait, on va pas prendre leur solution de relogement. C'est de la merde. C'est du foutage de gueule. Ça va engendrer plutôt une colère qu'un un abattement ou l'un après l'autre. Ah oui, je pense une colère. Parce que en fait, on reste très nombreux, on reste très mobilisés. On est fort en fait. On n'est pas écrasable comme ça. Moi, je me sens pas faible en fait. Ok, ils nous ont détruit notre lieu de vie. Ok, ils nous ont détruit 5 ans de travail. Mais en fait, il nous reste les liens, les amitiés, les solidarités. Et en fait, ça, ils vont le sentir. Ouais, et ils vont sentir qu'à faire ça, à nous attaquer, ils vont encore mobiliser encore plus de gens avec nous, contre eux, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude non plus de ce côté-là. Ouais. Et les sans nom, on va reconstruire le lieu, on va réinvestir cet endroit, et on les laissera jamais tranquilles. Mmh, mmh. Et est-ce que les différents statuts de l'avenir de Notre-Dame-des-Landes entrave une solidarité, ou est-ce que ceux qui ont déjà une solution pour eux sont sensibles aussi à ce qui se passe pour vous? Excuse-moi, j'ai pas compris la question. Ceux qui ont déjà, par exemple les agriculteurs qui avaient refusé les indemnisations, tout ça, qui ont une vieille légitimité, disons, est-ce que parmi eux il y a une solidarité avec vous aussi? Absolument. Ouais. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir aujourd'hui, mais sans aucun doute. Mm-hmm. Ça va pas. Aucun doute sur la totale confiance dans la solidarité. Donc ça va pas se passer comme ça, quoi. Quelle que soit la force du moment. C'est pas possible. Ça va pas se passer comme ça. Mm. Là, sur place, on est des jeunes, on est des vieux, on est y a toutes sortes de gens. Ils pensent sûrement qu'ils ont considéré qu'on devait être plus isolé qu'avant, et en fait ils ont surestimé notre isolement. On est loin d'être isolé. Ouais. Ben Michel, merci pour cette mise au point, et puis bon courage alors pour la suite. Et ben merci bien. Oui, merci bien. Et voilà, on est je pense en colère, on est triste et en colère, mais n'hésitez pas, il faut que les gens viennent, c'est urgent. Parce qu'aujourd'hui on a eu ce coup dur là au Sans Nom et à la Nous Non Plus et à différents lieux, et en fait demain ça va être encore d'autres lieux, et après demain encore d'autres lieux, et ils prétendaient qu'ils allaient juste faire des opérations ciblées. Évidemment ça ne nous convenait pas, mais ils disaient ça comme pour qu'on se prépare pas trop, je pense, que les gens se mobilisent pas trop, et en fait là ils partent pour le grand plan, pour détruire toute la ZAD. Détruire tous les lieux autoconstruits et expulser toutes les maisons en dur. Ouais. Et du coup, il y a besoin du maximum de gens. Tous les gens qui peuvent venir, il faut qu'ils viennent. Il faut se mobiliser, il faut appeler tout le monde, il faut venir sur place au plus vite. Et si on ne peut pas venir sur place, eh bien, se mobiliser où on est, où vous êtes, où les gens sont dans leur ville, sur leur lieu. Oui, ce qui se fait d'ailleurs à l'heure où on parle, par-ci, par-là. Et j'ai envie de dire aussi que si des gens se sentent pas à l'aise de la confrontation avec la police, par exemple, que ça leur fait peur, eh ben il faut pas qu'ils aient peur. Personne n'est obligé d'être en confrontation avec la police ici. Il faut être nombreux. Il y a besoin de gens pour faire de la cantine. Il y a besoin de gens pour transporter du matériel. Ouais, ouais. Il y a besoin de gens pour monter des barnums. Il y a besoin de gens pour réconforter les uns les autres. Oui, oui. Selon son tempérament, il y a une place à trouver pour les gens les plus différents qui se solidariseraient avec vous. Ouais. Ouais. Eh ben. Et je pense aussi que la police, elle sait qu'ils ne peuvent pas se permettre de casser des bras et des jambes, de défoncer des gens. Je pense qu'ils ont trop la mémoire de Rémi Fraisse. Ouais. Leur opération d'expulsion, elle est extrêmement vue. Oui, c'est sûrement pour ça qu'il y a un nombre énorme, 2500, si c'est bien ce chiffre-là, 2500 gardes mobiles et autres. C'est sûrement pour essayer de mieux contrôler le truc, le rapport de force, pour limiter. Exactement. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que il faut pas avoir trop peur non plus de la police là. Enfin, évidemment que ça fait toujours peur. Ils tirent des grenades, des lacrymogènes, ils gazent, mais on n'en meurt pas en fait. Et même si on se fait pousser, on n'en meurt pas. Et on est nombreux et on est ensemble et il y a une visibilité générale de ce qui se passe. Voilà. Et encore une fois, on peut tout à fait venir sur la ZAD et participer à la lutte sans croiser la police. Ouais, ouais. La ZAD est assez grande pour ça. D'accord. Bon, ben à bientôt alors. Merci beaucoup. À bientôt. Ouais. Ensuite, ce week-end, samedi 14 avril, une action est prévue à la ZAD, zone à défendre de Keelbeek à Haren, Bruxelles. La ZAD de Keelbeek a commencé le 14 avril 2014. C'est un lieu où on prévoit de construire un méga-prison. Il y a eu une occupation plusieurs années. Actuellement, l'État belge s'apprête à détruire la terre du Keelbeek, malgré la mobilisation citoyenne depuis 10 ans contre le projet de méga-prison. Après avoir clôturé les 20 hectares du terrain, ils ont coupé tous les arbres, des centaines, au début de cette année-ci, alors que 4 recours contre le projet sont encore pendants. Pour ceci, dans le cadre des Journées internationales de lutte paysanne, le Tenirs Forum des Derniniers, le vrai Keelbeek libre et le comité de Haren vous invitent à se réapproprier le terrain et protéger le Keelbeek. Le programme temporaire du 14 avril à Haren, c'est à partir de 11h. L'adresse est à Togenblik, c'est Togenblik, rue de Kortenbach, numéro 11 à 1130 Haren, bus 64 arrêt Kortenbach, et où avec le train gare Haren Sud. Là, c'est d'abord venez fabriquer vos masques sauvages et déguisements d'animaux, des ateliers de jeux, protection de films, balades et visites autour du Keelbeek. À midi, il y a le repas. À 13h30, il y a une projection du film Un pavé dans la soupe sur le défi alimentaire à Bruxelles. De 14h à 15h45, table ronde. De quoi la politique Good Food est-elle le nom ? Avec des représentants des acteurs de l'agriculture bruxelloise. De 15h45 à 16h, présentation du livre Terre des villes en quête potagère de Bruxelles aux premières saisons du XXe siècle, plus présentation de la carte terre menacée à Bruxelles. À 16h, action, amenez vos pelles, on prépare les patates. Cette action aura lieu au terrain même de la ZAD de Keelbeek qui se situe 1 chemin du Keelbeek à Haren, numéro 1 chemin du Keelbeek à Bruxelles. Et ensuite, il y a à 19h un soupe conviviale et à 20h une soirée festive. Et alors, pour mieux comprendre l'enjeu, Occupy Brussels .be a fait un reportage Le courrier du chicon contestataire Stop Maxi Prison à Haren, le 14 mars 2018, qu'on peut aussi retrouver sur YouTube. Et voilà, le massacre est en cours au Keelbeek sur le terrain prévu pour la plus grande prison du petit royaume. C'est à Haren que ça se passe, de manière tout à fait confidentielle. Parce que forcément, Arun, personne ne sait où c'est. Il y en a même qui pensent que c'est carrément en Flandre. Ben non, Arun, c'est à Bruxelles. Et donc, voilà que depuis quelques jours, les arbres tombent. Déjà plus de 300, tronçonnés, dégommés, sans état d'âme. Les arbres, ça meurt en silence. Ça se passerait au bois de la Cambre que ce serait un vrai bordel. Ça ferait la une de toute la presse. Là, à peine quelques lignes, un petit peu dans la presse flamande, et encore. Bon, si vous êtes toujours pas au courant, voilà vite fait bien fait un résumé de ce triste complot orchestré sournoisement depuis une petite dizaine d'années. Il s'agit donc de bâtir une méga super prison moderne, tellement magnifique, qu'on aura tous envie de faire un braquage pour y être entaulé. Un village carcéral que ça s'appelle, pour 1200 prisonniers, hommes, femmes, enfants. Ça va bousiller 20 hectares de terres agricoles. Cette prison des temps modernes va coûter la bagatelle de 330 millions d'euros. Vous allez me dire que nos vieilles prisons pourries, ça ne va pas. Et là, je suis bien d'accord. Mais, faut pas croire que tout ce pognon dépensé, c'est pour le bien des prisonniers. Petit naïf. Les taulards, tout le monde s'en fout. Par contre, pour certains, le petit commerce des mortels, ça rapporte. Parce que cette prison extra-large sera financée par un PPP, partenariat public-privé. Et donc avec mon pognon, ton pognon, notre pognon, quoi. PPP, moi, ça me fait plutôt penser à partenariat profit pourri, pognon pourri. C'est des projets partenariat public-privé. Non, nous ne ferons plus de projets de PPP. Nous avons abandonné ce système. C'est une décision politique parce que nous considérons que le coût, in fine, était trop onéreux. Et dans ce fameux PPP, figurez-vous qu'il y a de vrais mafieux. Entre autres, une super multinationale qui s'appelle McCary. It's known as the Millionaire's Factory. Such are the reputed riches of many of Macquarie's key executives. And this is the man who's created much of that wealth. Our basic approach is to provide an environment which is conducive to entrepreneurial activity within a strong risk management framework. Eh bien, c'est une championne de l'évasion fiscale. Chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, on compte. Ils n'obéissent qu'au code vénal. C'est eux, un jour, qu'on devrait mettre en tôle. Allez les gars, en attendant, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai des grenouilles à aller surveiller. Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir que tout on arrache? Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir que tout on arrache? Est-ce que c'est pour le rendement ou pour que personne s'y cache? Et pour la fin, on annonce aussi le phare international du livre alternatif et libertaire qui aura lieu aussi ce samedi 14 avril à partir de 10h à Gand. L'adresse est Meibloemstraat 86 et le lieu s'appelle De Cour. Des dizaines d'éditeurs et de distributeurs indépendants des ONG et des groupes d'action de Belgique, des Pays-Bas, de France et du Royaume-Uni, entre autres, présenteront leurs publications à la foire. L'accès au salon du livre est gratuit. Tu peux consulter toutes les stands qui seront présents sur leur site, qui est aussi indiqué sur bxl.indymedia.org. Donc c'est alternativeboekenbeursgent.wibli.com avec tout le programme. En même temps que la foire, il y a un programme varié de lectures, d'ateliers, de documentaires. Par contre, il y a peu en français, plutôt en néerlandais et anglais. Les portes s'ouvrent à 10h et la foire se poursuit jusqu'à 18h à De Cour. À partir de 18h30, un délicieux repas chaud végétalien servi par Coquerellen, la cuisine mobile. Et cette année, la foire du livre alternatif de Gand est bien sûr aussi termine avec un after party. Et c'est avec plusieurs concerts, plutôt new wave punk, dub punk, ska punk, et avec un DJ. Tous les groupes de musique sont à consulter sur bxl.indymedia.org. una gran serpiente. Mis ojos son sus ojos, sus dientes son mis dientes. Y tengo las orejas de un caballo salvaje. Mi mente es su pradera, mi cuerpo es su carruaje. Deja que salga la piel, que conozca un poco afuera. Tanta letra muerta, tanto vivir en cualquiera. De la frente siento el hálito voraz de mi chimpancé caliente, impaciente por bailar. Il était une fois sur la zone de Notre-Dame des Landes. On s'est dit que la situation était suffisamment floue à l'intérieur de la zone pour qu'elle puisse être complètement incompréhensible dehors et que peut-être on pouvait se retrouver pour essayer de construire un truc qui était plus clair pour le dehors. Si tu veux savoir ce qui se passe sur la ZAD en faisant la vaisselle, ou en rangeant ta chambre, ou dans le métro, on a pensé à toi. Klaxon pense à toi. On s'est rendu compte qu'on allait parler de trucs dans lesquels on est tous et toutes vachement impliqués, que du coup on n'allait pas faire un récit objectif ou neutre de la situation. Et que là, un peu sur les différents sites, sur les différentes boîtes mail, des trucs, en fait, il y a plein de gens qui posent plein de questions sur « mais en fait, qu'est-ce qui se passe ?» C'est quoi vos besoins, c'est quoi vos envies, en fait, on sait pas comment se positionner par rapport à ce qui se passe ou pas. On est des occupants et des occupantes qui viennent de plusieurs endroits sur la zone, qui se réunissent pas dans un groupe affinitaire à des moments, et que c'est... Bon, là, on est réunis pour faire ce texte à ce moment-là, quoi. Quand même, on est une bande de potes. Et quand même, on est une bande de potes. Enfin, je veux dire, on n'est pas des gens comme... pas d'accord entre eux. Oui, oui. Enfin, ça dépend sur quoi, mais on est un peu des gens qui... on a l'habitude de se croiser et de s'organiser un peu ensemble, quand même. On a des affinités. Ouais. Mais on n'a pas de nom. Parle pour toi. Le mouvement anti-aéroport. Moi, je me demandais si on va beaucoup parler de ensemble. On a déjà parlé, enfin, déjà beaucoup utilisé ce terme de ensemble. Et peut-être à un moment, on pourrait parler de ce que c'est ce ensemble. De l'espèce d'intercomposante. On voit beaucoup les mêmes têtes qui représentent une composante à eux seuls. Ou elles seules. Alors, il y a le mouvement d'occupation. Ça, c'est nous. On est le mouvement d'occupation. Tout un tas de plus ou moins vieux, vieilles habitantes de la zone. On s'organise de façon au plus possible horizontale dans des espaces plus ou moins formels qui sont la réunion du jeudi, l'AG des occupantes et ensuite dans des groupes affinitaires politiques. Ça, c'est le mouvement d'occupation. Vous voulez présenter, vous voulez dire autre chose sur le mouvement ? On ne sait pas trop combien on est. Et que j'ai l'impression que ça peut être juste de dire c'est des gens qui habitent dans des collectifs tout seul, enfin des situations assez variées quoi, j'ai l'impression. En fait le seul truc qu'on a en commun c'est d'habiter sur la ZAD sans statut quoi. Il y a Copain, un collectif des organisations paysannes indignées par le projet d'aéroport, un truc comme ça, qui regroupe des associations, associations ou des structures syndicales ou des groupes comme le GAB, pour le Groupement d'agriculture biologique, le CIVAM, la CONF 44. Il y a aussi des gens pas dans des groupes, il y a aussi des indignés. Manger bio, je crois. Ouais, manger bio aussi. Je pense que l'objectif de Copain est beaucoup plus clair politiquement ou en pratique que pour le mouvement d'occupation. Ça reste quand même une composante agricole, principalement, et que nous, on débat ou on réfléchit sur des sujets encore plus vastes que uniquement le mouvement agricole, donc forcément ça rend encore plus complexe les discussions, les décisions. Il y a la CIPA. La CIPA, c'est l'association citoyenne intercommunale contre le projet d'aéroport. C'est un peu la plus vieille structure qui s'est créée dans les années 2000. 2000, en l'an de grâce 2000. Je crois bien. Qui regroupe énormément d'adhérents. C'est une structure associative verticale classique, quoi. C'est pas mal eux qui ont bataillé sur toutes les questions juridiques, qui ont fait à fond là, des recours juridiques sur tout un tas de trucs liés au projet d'aéroport, etc. Qui ont bossé sur des questions hyper techniques et tout. Et comme ils ont un fonctionnement de structure très verticale, et ben il y a un président ou des groupes. Il y a des coprésidents. Des coprésidents, il y a un CA, enfin un bureau, un CA, des représentants, des porte-parole, etc. Ce qui fait que des 3000 adhérents, nous on voit 10 personnes quoi. Régulièrement, et puis après il y a aussi des gens qui ont des comités de soutien, etc., etc. Bah ça dépend dans quels espaces quoi, on les voit. En AG, ou en chantier, ou au quotidien, etc. Pour les décisions, ils sont pas à 10. Tu dis plus ou moins? Ah, je dis beaucoup moins. Ah, au moins 2. C'est ça que je voudrais montrer par rapport à ce ensemble, là, c'est qu'en fait, on fait jamais face à des dizaines de personnes avec qui on a des longs débats sur c'est quoi l'avenir de la ZAD, etc. Plutôt, on fait face à quelques individus qu'on connaît bien, avec qui on a un historique. Et qu'en fait, beaucoup de ce ensemble, il repose sur ces quelques liens qu'on a avec ces personnes et pas sur des rencontres intercomposantes qui durent des semaines, etc. Enfin, c'est pour ça que plein de gens ils doutent de cet ensemble, c'est que c'est quand même quelque chose de fragile quoi pour moi. Un truc. Et qu'après, il y a par exemple une autre composante, ce serait les naturalistes en lutte. C'est les naturalistes qui se sont dit mais on est en lutte, d'où leur nom. Parce que le projet d'aéroport, la manière dont étaient faits les rapports des naturalistes, c'était vraiment tout pourri. Et du coup c'est ça qui les a fait arriver par là. Du coup c'est un peu un groupe qui a comme beaucoup de voix sur tout ce qui est point de vue écologique et... Et du coup, qu'est-ce que ça implique, ce qu'on choisit nous, ce qu'on fait nous dans nos pratiques, dans nos actes, qui sont pas très nombreux. Ils ont un avis d'expert sur les questions botaniques, d'insectes. Écologique en général. Ils portent aussi quand même assez fort que la meilleure façon d'entretenir la biodiversité du bocage, c'est que la ZAD demeure, quoi. Et il y a la Cohorde, du coup, dont on n'a pas parlé. Cohorde, c'est le petit nom de la coordination des opposants au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une soixantaine d'associations et de partis politiques différents, dans lesquels, pêle-mêle, il y a France Nature Environnement, Europe Écologie Les Verts, le NPA, le Front de Gauche, il y a Greenpeace, voilà. Il y en a beaucoup, donc c'est pas possible de tous et toutes les citer. Il y a des gens donc, de la coordination qui viennent régulièrement aux AG et c'est vrai que celles-là plutôt, on les voit souvent, c'est celles avec qui on a vraiment le plus de liens, mais voilà, elles sont pas du tout, on n'a pas affaire à l'ensemble des adhérents des 60 structures de la coordination qui viennent à toutes les AG. Et il y a l'ADK, juste on peut dire peut-être rapido. L'ADK, c'est l'association des exploitants concernés par le projet d'aéroport. Et que du coup, c'est des exploitantes agricoles qui ont pour truc en commun d'exploiter des terres qui sont concernées par le projet d'aéroport et qui sont réunies ensemble pour pouvoir batailler ensemble sur ces questions-là. Mais que maintenant qu'il n'y a plus d'aéroport, des gens ils sont pas d'accord politiquement sur les questions d'avenir de la ZAD, quoi. Ils s'étaient réunis par des questions de... Ils étaient dans la même situation tant qu'il y avait un projet d'aéroport. Et peut-être juste dire les comités de soutien, j'ai l'impression que c'est, on ne sait jamais trop s'il faut dire que c'est une composante ou pas. Mais il y a plein de comités de soutien un peu partout en France qui sont plus ou moins actifs. Il y a des comités de soutien qui sont proches du mouvement d'occupation, d'autres qui sont plus proches des positions de la CIPA. Il y a régulièrement des intercomités qui sont des moments pour essayer d'avoir des espaces de discussion et de coordination entre des comités de soutien et des gens d'ici. Ça, c'est le mouvement de lutte contre l'aéroport. Sachant que ouais, à partir de maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui vont être redistribuées, en l'occurrence dans la CIPA. Je pense qu'ils se posent beaucoup la question de leur légitimité aussi à continuer après l'aéroport et de voir s'ils ne redistribuent pas les cartes pour créer quelque chose d'autre. Je pense pas que ce soit la seule à se remettre en question aussi en ce moment. Vous baissez tous la tête, faites un deuil ou quoi ? Je crois qu'ils ont prévu leur dissolution pour l'été prochain. Ah ouais ? Le 7 et 8 juillet, ils font leur, leur fête. Garden Party. Après les 6 points. Et les dissolutions. Du haut des cimes, de la forêt de Roanne, du salon à la cuisine, dans toutes les cabanes, ça mène. Toujours le doux refrain, orchestré par des hommes, matraque à la main. Expulsion du terrain, l'avion décollera demain. Mais on résiste, main dans la main, expulsons leur bande de pantins. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de pourris, à la pote de Vinci. Leur bande de technocrates, social-démocrates. Sur nos terres, pas d'aéroport, pas de béton pour ces gros ports. Habite de spéculation, t'as réfléchi et ton pognon. Jamais ne nourrira nos gosses. Face à vous, on restera féroce. L'heure est de retour à la terre. Expulsons leur bande mensongère. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Leur bande de lâches, soldats des mégalos, prêts à gazer des vaches à coups de taser et lacrymo. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes. Des sabres peuples et des curés, jusqu'à quand les gens de guerre tiendront le haut du pavé. On va rien lâcher, on plantera des patates, on te fera bouffer le moindre gramme d'asphalte. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Face à vous, de dangereux terroristes, armés de bon sens, de palettes et de vis, qui jettent des poireaux à la figure. Pauvres flics, tout proches de la bavure. Ici, tout le monde est solidaire, la ZAD tient bon et ne lâchera pas l'affaire. Ici, tout le monde est solidaire pour construire un monde sans leur bande d'actionnaires. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes, renversons la vapeur, il est temps qu'on nous entende. Expulsons leur bande de Notre-Dame-des-Landes. Quel est le trou duc de CRS ou de qui que ce soit d'autre dans les bureaux de Vinci, dans les bureaux de la préfecture, dans les bureaux des ministères qui est capable de se prendre en charge à ce point-là? L'abandon de l'aéroport. Alors le 17 janvier, le gouvernement a annoncé l'abandon du projet d'aéroport. Wouhou ! Alors, bon, c'était un peu... j'ai l'impression que la plupart des gens s'y attendaient. Ça nous a pas tant surpris, mais par contre ça nous... Bon, moi ça m'a soulagé. Je pense que ça m'a soulagé d'autres. Ouais. Moi ça m'a stressé. C'est grave, moi aussi. Moi j'aurais bien aimé qu'il fasse semblant pendant encore quelques années. Mais le monde qui va avec, c'est un peu excitant aussi. Moi je pense qu'on avait plus d'énergie pour lutter contre le monde qu'aller avec quand il y avait genre une espèce de petit projet. Enfin, petit projet, c'était quand même un gros projet, mais. Un truc qui faisait plus beaucoup de menaces ou qui en faisait genre 3 mois par an et puis voilà quoi. Là maintenant quoi. Maintenant on est le nez dedans, on n'a pas. Enfin. On s'est plus dispatché, on a mis plus d'énergie à soutenir d'autres luttes, pour moi, en 2017, que ces derniers mois. Mais ce qui est complètement logique. Oui, oui. Le monde parce que là, on passe toute notre énergie à comprendre, maintenant qu'il n'y a plus d'aéroport, comment on va faire pour pouvoir rester ici. Mmh. Avec toutes les énormes engueulades et conflits que, qui vont avec. Mais alors, pourquoi il y a des engueulades et conflits? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'abandon du projet d'aéroport? Bah, c'est passé qu'il n'y a plus d'aéroport. Tant qu'il y a un aéroport, c'est très facile d'être d'accord sur pourquoi on lutte. Alors, on lutte contre un aéroport, voilà. Après, il y a des gens qui luttent aussi contre son monde, mais quand même, globalement, tout le monde lutte contre l'aéroport, alors tout le monde est d'accord là-dessus. Puis là, il n'y a plus d'aéroport. Du coup, il y a des gens qui disent hop, la lutte c'est fini. Des gens qui disent. Maintenant, ça commence. Il n'y a pas beaucoup qui disent la lutte c'est fini. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a encore une occupation, puisqu'il n'y a plus d'aéroport. C'est pas une évidence pour, je sais pas s'il faut dire dans l'opinion publique ou je sais pas quoi, mais pour plein de gens, c'est pas une évidence que, qu'on a quelque chose. Enfin, pourquoi on veut continuer à habiter ici et à faire des trucs ici et, vu que l'imaginaire un peu facile, c'est on est là contre un projet d'aéroport, il n'y a plus de projet. En fait, maintenant que l'aéroport est tombé, on lutte contre nous-mêmes, quoi. Enfin, contre nous-mêmes au sein du mouvement qui est. Mais en tout cas, ça fait comme une situation qui a. On s'y attend. Enfin, comme disait le copain, on s'y attendait à ce qu'il y ait un abandon du projet, mais que ça fait que d'un coup, là, boum, c'est maintenant, et tout va hyper vite. Les enjeux, ils changent hyper vite, la situation, elle change hyper vite, et il faut très très vite réfléchir, se positionner. Bim, boum, c'est quoi la suite Bah, aussi, on n'a pas le même niveau de menace, quoi. Enfin, aussi. C'est. Bah, on doit faire face à des menaces qui sont complètement nouvelles. Avant, les menaces auxquelles on avait affaire, c'était vous allez être expulsé pour qu'on commence des travaux de construction d'un aéroport. Et ça se déclinait sous plusieurs formes. On va vous faire des procès pour que vous deviez payer une astreinte si jamais vous partez pas, ou ce genre de truc. Mais globalement, ça, c'était ça, quoi. Et maintenant, bah, c'est plus compliqué. C'est... On veut bien que telle personne y retrouve leurs droits et on veut bien faire telle co-gestion pour un projet agricole sur le territoire, mais cette partie-là de votre lutte, genre l'habitat autoconstruit, l'occupation illégale, ça doit dégager, etc. Enfin, ça fragmente vachement une lutte qui avant était tenue ensemble C'est pas les mêmes menaces parce que il y a de la présence policière, mais il n'y a pas encore d'évacuation policière. Il y a plein d'institutions qui sont pas l'État, qui sont là, genre la Chambre d'agriculture, tout ça, enfin, qui sont un peu comme des rapaces au-dessus de la ZAD, à temps de pouvoir se partager un gâteau. Enfin, faut qu'on réinvente tout un tas de façons de lutter et de. Peut-être un truc juste qu'on n'a pas dit. Sur la déclaration qu'a fait le gouvernement, enfin le Premier ministre au moment de l'abandon, c'était. Alors, je sais plus moi ce qu'il y a dans sa déclaration, est-ce qu'il raconte pourquoi ils abandonnent le projet, mais bon. Moi je voulais juste dire. J'imagine qu'il y a eu tout un blabla sur pourquoi ils font pas le projet d'aéroport, alors peut-être dire ah, c'est un projet dans notre siècle, je sais pas quoi. Et qu'à la fin ils disent un truc de. Que. Il faudra qu'au début du printemps il n'y ait plus d'occupants illégaux. Ce qui, j'ai l'impression, quand c'était le 17 janvier, on était plein à se dire ouf, ça laisse du temps. Et puis en fait, pas tant que ça, quoi. Ça va hyper vite. Mais pourquoi on n'a pas eu le temps? Enfin, moi, je crois que c'est aussi tout ça. Pourquoi on est dans une situation aussi critique, là? C'est comment ça se fait que là, en fait, on n'a pas eu le temps de penser à ça? Pourquoi on n'a pas eu le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on est, en fait? Qu'est-ce que c'est le mouvement anti-aéroport? En quoi ça se transforme? A envie de faire quoi? J'ai l'impression que ces discussions-là, elles n'ont pas eu lieu, mais parce qu'il y a eu du coup le calendrier qui a enchaîné direct, mais direct, quoi. Dès le lendemain de la victoire. Ouais. Ce qui fait une super transition. Tu peux rajouter un truc sur ce que tu as dit? Non. Ah oui. Quand Édouard Philippe il a fait son allocution, j'ai vraiment l'impression qu'il a. Il a vraiment concentré son truc sur bon, ça fait conflit, c'est le bordel. En fait, il n'y avait pas de raison réellement valable, écologique, ou vraiment il se penchait sur le dossier. C'était vraiment bon, bah, il y a autant du pour que du contre. Du coup, il y a trop de gens qui sont pour, trop de gens qui sont contre, et que du coup, c'est le bordel, du coup, on arrête. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'ai entendu. Avec à la fin, et qui reprenait ce qu'avaient dit les médiateurs dans leur rapport, c'était quelque chose comme on va veiller à ce que ce qui s'est produit là ne se reproduise pas. Mm. Ce qu'ils ont dit il y a encore quelques jours quand ils ont attaqué Bure. On ne laissera pas de nouveaux espaces s'enquister, on ne laissera pas de nouvelles zones d'endroits apparaître, et machin, et des trucs. Et du coup, ce fameux effet de calendrier, Il a commencé à la fois lors de l'allocution de Macron et puis le soir même pendant une AG du mouvement, le fameux qu'on a présenté tout à l'heure là. À propos de la D281. Là, route, là, route. Retour à l'état de route de la D281. Avant même l'abandon du projet, des personnes issues de la CIPA, enfin adhérentes à la CIPA, ont fait des communications publiques en disant à quel point c'était une évidence que la D281 devait être libérée. Et quelles allaient les lettres ? Quelles allaient les lettres ? En présentant cette libération, entre guillemets, nettoyage, comme un préalable aux discussions sur l'avenir avec l'État. Donc, rentrer complètement dans le jeu de rétablissement de l'État de droit, etc. La première fois, c'était quand même au début du mois de janvier, hein, l'AG du mouvement du début du mois de janvier, avant l'abandon du projet d'aéroport. Ouais. Qu'on soit honnête avec le calendrier. C'est que ça remonte quand même à loin que différentes composantes disent il faut que cette route soit dégagée. Puis même le jour même, ça a été aussi dit de la part de personnes du mouvement d'occupation dans un communiqué de presse. Ça a été annoncé par quasiment tout le monde, enfin, sur les déclarations publiques, quoi. Il a été dit, on va dégager la route, et on va le faire nous-mêmes. C'est la départementale 281. Dans l'absolu, c'est une route de voie assez large qui relie la Paclée à Notre-Dame-des-Landes le plus directement possible, qui était fort fréquentée avant l'opération César. Et est arrivé plein de conflits face à gendarmes mobiles sur cette route d'émeute, de barricadage et de chicanage de cette route. Et quand les petits bleus sont partis, les chicanes sont restées. Ce qui a été, de l'avis de certains et certaines, tout à fait excitant et rigolo, et de l'avis d'autres, complètement inconfortable politiquement, et créant plein de désaccords et conflits dans cette zone, qu'on arrive plus ou moins à gérer depuis des années. Plutôt moins que plus. Ça fait des années que ça dure, et des années que c'est la galère. Bah, c'est aussi un gros symbole visuel là, de cette lutte, et que dans toutes les vidéos que tu peux trouver sur la ZAD, t'as toujours un espèce de passage sur la route des chicanes, un peu en mode ambiance Mad Max ou je sais pas quoi. Et que du coup, c'était... Moi j'ai l'impression qu'il y avait aussi un enjeu de symbole, il n'y avait pas que ça. Mais que c'était à la fois un symbole très fort pour nous, la lutte, je sais pas trop quoi. Et c'est aussi une évidence que pour l'État, c'est le symbole un peu prioritaire à défoncer pour... Moi je dirais moins c'est chez nous. Un truc de... On mettrait ce territoire quoi. Je dirais moins c'est chez nous que c'est hors norme. Tu vois ? Enfin, non, je sais pas. Quand j'étais sur la route, j'avais pas l'impression d'être dans un truc de c'est chez moi, mais dans un truc de. Waouh ! On est sur un territoire qui est hors norme. Enfin, on n'est pas. Ce qui est différent qu'une revendication très propriétale ou tu vois, de ici c'est chez moi. Ça existe aussi. Ça existe aussi, mais il n'y a pas que ça. Si c'était un espace de vie aussi, oui. Tu vois, au-delà du fait que, bon, il y a eu des gens qui ont habité sur zone, qui ont habité sur zone, mais aussi que ça fait un espace de passage, parce qu'il y a des habitations qui sont collées à la route. Enfin, voilà, disons que la route, elle était devenue quand même pas mal autre chose aussi, quoi, entre-temps. Mais au-delà de ça, je pense que c'était aussi tactiquement un moyen de ralentir une éventuelle expulsion éclair. Et que c'est aussi relativement rassurant, et on le voit sur beaucoup de squats, on prépare toujours une évacuation éclair et la logistique pour. Mais il y avait une utilité stratégique aussi à cette route pour les gens qui vivaient vraiment très proche de la route ou qui étaient beaucoup plus exposés que des gens qui sont en lieu en dur. Et tu peux plus facilement te protéger dans un lieu en dur que dans un lieu en palette ou en paille ou en terre. C'est que non seulement il y a des habitations directement autour de cette route, mais il y a aussi des voies d'accès à des chemins qui traversent une zone qui a fini par se nommer la zone non motorisée, qui est une zone dans laquelle il y a des habitations pas en dur, des cabanes sans eau courante ni électricité pour la plupart, et qui ont aussi moins, je pense, de liens avec les autres composantes. Et dans les autres composantes, la route, c'est aussi un enjeu par rapport aux riverains. Il y a eu des conflits aussi autour de l'usage, quoi, de l'accès à la route et au passage pour des véhicules, des tracteurs et des remorques agricoles. En tout cas, on a senti que, avant même l'abandon, ça allait être un sujet d'embrouille, suite aux déclarations qui ont été faites par François de Beaulieu et d'autres personnes. On a pressenti l'embrouille à venir et on s'est réunis. Et à cette réunion, on s'est dit des trucs que on était d'accord pour que la route soit rendue plus praticable, qu'elle circule de 30 à 50 km/h, qu'elle soit jonchée de dodanes et autres ralentisseurs, qu'il y ait différents espaces de circulation pour ses usagères, que les poids lourds ne la traversent pas mais soient déviés, et que les comportements barricadiers seraient gérés collectivement, c'est-à-dire des personnes qui arrivent demain et qui nous expliquent qu'il faut construire une barricade parce qu'on risque d'être expulsé. Ça, c'était pas des prises de décision, c'était des discussions au sein du mouvement d'occupation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des discussions sur la route avant même l'abandon, parce qu'on savait que ce serait le prochain sujet de la galère. Et où, plutôt, il y avait un espèce de semi-consensus, mais pas tout à fait non plus, pour qu'il n'y ait plus des gens qui habitent sur la route, et que la condition à ça, c'était qu'elle reste ralentie. Mais qu'elle soit plus facile d'accès pour d'autres usagers et usagères que les gens de la ZAD. Ouais. Et j'ai l'impression que les trucs plus précis sur 30-50 km/h, les poids lourds, les machins, c'était plutôt des trucs qui étaient issus des processus suivants. Mais dans les processus précédents, il y a déjà eu une semi-déchicanisation de la route l'année dernière. C'est qu'il y a eu une première étape de discussion autour de cette route pour la rendre plus circulable, entre autres pour les engins agricoles. Et pour le village de la Paclée aussi. Ouais. Bah, ça les leur gens, pas, sur la route déchicanent, ils mangent les enfants. C'est-à-dire qu'il y a des conflits interpersonnels, je sais pas, j'imagine un agri qui passe et quelqu'un qui vit sur la route des chicanes, ils se prennent la tête parce qu'il y a une chicane qui a bougé, ou il est rentré dedans, ou quoi que ce soit, ou il fait pas gaffe, ou il roule trop vite, et que du coup ça fait monter des tensions, qu'il y en a un qui se tape sur l'autre, ou enfin je prends un exemple qui n'existe pas, qui existe, peu importe. Mais ressemblance avec des faits réels ne oui, saurait être que fortuite. Mais très fortuite alors. Hein. Mais je veux dire, ça a créé pour certains une vision un peu malsaine de la route. Et ça fait partie aussi, je pense, de cette volonté de s'attaquer à la route. Et, En tout cas, au lendemain de l'abandon de l'aéroport, il y a une AG du mouvement exceptionnel dans laquelle. Notamment, il est dit ce truc qu'il faut que la roue des chicanes soit ouverte dans une temporalité très réduite, pour ne pas dire immédiatement, et qu'elle soit rendue circulante, avec tous les sous-entendus que ça implique circulante de remise à neuf de la route, parce que, vous voyez, on a fait des trous dans la route, on a cassé des morceaux de route, les ronces elles sont revenues, les fossés ils sont bouchés, on en a dévié d'autres, enfin, c'est plus vraiment une route comme circulante. Et voilà, et du coup, que la manière dont c'était posé, c'était plutôt quelque chose dit comme il faut que ça ait lieu, sinon on, c'est-à-dire à ce moment-là les autres composantes par la voix de copains, mais qui n'inclut pas que copains, qui inclut la CIPA, la cohorte et compagnie, on se retire du mouvement quoi. Ça veut dire si vous gardez cette route, vous nous perdez quoi en gros. Et inversement, si vous défoncez cette route et que vous enlevez tout le chicane et tout ce qui vous tient à cœur là-dessus, on reste. Du coup, c'est une super manière de faire un choix, et du coup, on n'a pas pu dire non. Alors, on sera peut-être pas d'accord, c'est que quand tu dis on n'a pas pu dire non, on n'est pas tous d'accord sur le fait qu'on n'aurait pas pu dire non. Il y a des gens qui pensaient que si on aurait pu dire non, mais quitte à fragiliser le mouvement, ben, c'est assumer nos choix jusqu'au bout, quoi. C'était pas si uniforme que ça, leur position, en fait. Et que oui, ça aurait fait éclater copains par rapport à la participation à la suite, mais. C'était un choix de rester tous ensemble. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de temps de discussion, etc. Quoi. Le débat sur la pertinence stratégique de lâcher la route, à quel moment, sous quelles conditions, etc., il a été inexistant. Quoi. La première AG du mouvement, début janvier, où le sujet il a été posé, on a perdu un max de temps à savoir s'il fallait que la route elle soit circulante à 90 ou à 50. Quoi, et pas tant poser la question de... quand, comment, etc. Enfin, c'est quand même une des premières fois où beaucoup de composantes ont posé le truc que leur désir très profond, c'était de plus jamais rien avoir à faire avec cette route et que quels que soient nos souhaits pour les aménagements futurs de cette route, il fallait qu'ils soient pris en charge par les institutions habituelles et pas par le mouvement et que ça c'était pas possible et qu'ils défendraient pas un truc où c'était pris en charge par le mouvement et tout. Le 17, il y a l'abandon du projet d'aéroport avec une menace hyper rapide de « il faut dégager la route avant la fin de la semaine prochaine, sinon on intervient ». Et zéro débat. Et que de toute façon, je le dis sans mépris, hein, mais c'est genre, effectivement, nous je pense que de là où on est, c'est difficile de prendre la mesure de à quel point, pour beaucoup de gens très éloignés des réalités de la ZAD, de réalités radicales, etc., c'est inaudible et indéfendable politiquement ce truc de la route quoi. C'est... Et oui, on part vraiment pas du même, on partage vraiment pas les mêmes imaginaires et les mêmes visions quoi. Et j'ai l'impression que sur le côté stratégique, là, il y a deux croyances qui se sont opposées assez fort à ce moment-là, qui étaient pas mal de gens, notamment d'autres composantes, qui disaient pour aborder des négociations dans un cadre serein. Il faut qu'on ait avant ça libéré la route. D'autres gens, plutôt pas mal dans le monde d'occupation, mais pas que, qui portaient un truc de... En fait, c'est un enjeu majeur de négociation, cette route. Faut absolument pas la lâcher maintenant, quoi. Mm-hmm. Et du coup, je sais pas si on veut continuer un peu sur des trucs de chronologie, mais... Du coup, il y a eu cette fameuse AG du mouvement le lendemain de l'abandon dont on parlait, là. Que du coup, c'était décidé de commencer un chantier le lundi suivant avec toutes les composantes du mouvement. Du coup, le lundi, il a commencé un chantier pour enlever les chicanes. Et qu'à ce moment-là, il y avait un accord pour conserver un des lieux qui était sur la route. À ce moment-là, il y avait un accord pour garder la main fâchée. dans le, les conversations. Il y avait une info que la préfecture était OK pour ça, quoi. Moi, ce que j'ai compris de cette, de cette conversation, c'est qu'une personne a eu contact avec le DIRCAB, a dit « il va rester un élément sur la route ». Je crois qu'il a dit un élément où il va rester... il n'a pas dit « il va rester la main fâchée ». Et le directeur de cabinet aurait répondu quelque chose comme « ah bah s'il reste un élément, s'il en reste 15, c'est pas grave ». Mais hier soir, moi, j'ai entendu une personne de la cohorte dire qu'en fait, ils auraient reçu des remontrances de la part de quelqu'un de plus haut là dans le gouvernement pour dire « il faut tout libérer ». En tout cas, ça a créé un truc où le début du chantier s'est fait plutôt en pensant que la main fâchée pourrait rester. Et que le lundi, il y a aussi eu une discussion sur une des autres cabanes qui est sur la route, qui est l'épicerie du Sabot. Que la décision a été prise de la démonter le lendemain, le mardi, et de la remonter ensuite, pas sur la route. Sauf qu'entre-temps, on a appris que la préfecture disait « en fait, la main fâchée doit dégager ». Voilà, ouais, c'est ça. C'est lundi soir. Putain, la vache. C'était hardcore. Lundi matin, il y a le chantier. Lundi après-midi, ouais, c'est l'embrouille au Sabot. Copain fait son AG dans le champ, enfin pas grand chose près. Il et elle décident de pas la démonter en force, mais de nous laisser, nous les occupantes, prendre en charge ce truc-là. On fait une réunion pendant des heures dans le champ, où on décide effectivement de démonter nous-mêmes l'épicerie du Sabot, de la reconstruire à côté, et de conserver une longue grille là pour protéger un espace devant la cabane, un peu sur la route, etc. Avant même d'aller annoncer ça à Copain, on apprend qu'en fait, il y a eu à nouveau un coup de fil avec la préfecture qui dit « la main fâchée doit dégager ». Après ce truc de « ah voilà, on va démonter le Sabot nous-mêmes », et qu'on apprend que la lame fâchée sera démontée aussi. Le lendemain, en connaissance de cause, on tient quand même notre engagement, les occupants et occupantes, et du coup, on démonte quand même le Sabot, en se disant « ah mais si ça se trouve, ça va les inciter à tenir aussi leurs paroles », et à comme un peu espérer qu'il y aura une implication ou une défense du lama. Et voilà, et non, ça ne marche pas. Et du coup, voilà, du coup, là, ce mardi, on se dit, bon, ben, jeudi, on démonte la main fâchée. Ce qui sera donc une journée tout à fait pourrie, le jeudi, puisque du coup, il y a plein de gens qui arrivent pour démonter la main fâchée, et que dans la matinée, ça se passe plutôt mal, au sens où la tension monte, avec plein de gens qui arrivent de l'extérieur et qui captent pas forcément les enjeux. Et voilà, et à midi, plutôt, il se passe un truc où plus ou moins la tension monte trop et du coup ça s'arrête, le chantier, et les gens se séparent en différents lieux pour faire redescendre la tension. Avec l'après-midi, plutôt, bon je simplifie à fond, hein. Avec l'après-midi, plutôt, il se passe un truc de, c'est les occupants occupantes, notamment les plus touchés par cette cabane, qui vont la démonter eux-mêmes et elles-mêmes, et que les autres personnes... elles peuvent être là, mais plutôt en tant que comme main d'œuvre soutien, vous voyez, par exemple, enlever les planches qu'on... amener les planches qu'on enlève jusqu'à un endroit où elles sont bien stockées, que à manier le pied de biche ou à faire chef de chantier, quoi. Voilà. Et dans ces conditions-là, du coup, le démontage de la main fâchée, dans l'après-midi, se passe quand même relativement beaucoup mieux que le matin. Ce qui ne veut pas dire qu'on en est heureux de faire ça, mais voilà, on pourrait dire ça. Je voudrais juste dire alors que, en tout cas sur ce qui s'est passé, sur le démontage de la main fâchée, pour beaucoup de gens, ça a été vécu comme la première expulsion. Et la promesse d'une suite, enfin d'un avenir pas forcément par adieu, quoi. Puisque si pour Copain, le démontage de la main fâchée, c'est une façon d'arriver en force aux négociations, pour les autres, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire arriver en position de faiblesse puisqu'on a largué notre meilleur argument au rapport de force. Donc le vendredi 26, Madame la préfète, Nicole Klein, elle dit « Ah, mais je vais passer sur la route des chicanes pour démontrer que oui, cette route est circulante. » Et donc, on fait pas grand-chose à part mettre des banderoles sur la route et mettre une banderole de cul pendant son passage, dont elle a été apparemment fort enchantée. C'est ce qui clôt un peu, j'ai l'impression, la semaine toute pourrie de « Ah, on démonte nous-mêmes les chicanes et tout ça. » Et ce qui emmène à la suite de cette route des chicanes, qui est les travaux. Pour comprendre ce que ça fait, les travaux de la route, il faut comprendre, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, que cette route n'est plus du tout comme officiellement circulante, puisqu'il y a des trous de 3 cm à 60 cm de profondeur, et qui font de la taille d'un point à la taille d'un humain couché par terre, qu'elle a été fermée administrativement par des arrêtés du département. les fossés, ils sont... Il y a les trous, c'est dangereux. Voilà, exactement. Il y a plus de chicanes qui signalent les trous, du coup, c'est pas bien. Que aussi, y a encore plein de ronces, encore plein de fossés qui s'écoulent mal et qui font que la route, elle est inondée, au moins en profondeur, mais aussi parfois en surface. Enfin bref, les travaux vont consister en ça. Le lundi, donc le département, ils viennent avec 3-4 voitures pour faire un diagnostic. De c'est quoi exactement l'état de la route et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Des gens qui leur parlent, qui sont organisés pour être un peu un groupe qui fait la liaison, qui s'occupe de gérer ces histoires de route, etc. Qui va leur parler, qui leur dit bon, c'est quoi vos plans, etc. Ils disent bah là, on fait un diagnostic, on va faire le rapport, et puis après, ça va prendre quelques. Enfin, genre, ils parlent entre une dizaine de jours et plusieurs semaines pour que les travaux commencent, quoi. Et. Il se trouve que le mardi matin, le lendemain matin, à 8h30 du matin, la machine, la broyeuse, est à Notre-Dame-des-Landes, enfin, et aux Ardières, avec des camions de flics, quoi. Donc, c'est pas du tout ce qui avait été annoncé. Ça, le mardi, les machines, elles sont venues sans les gendarmes, sur une portion qui est pas trop fréquentée, qui va des Ardières jusqu'à Bel Air. C'est pas encore vraiment la ZAD. Et donc, ça, c'était le mardi. Ils font le matin, et après, ils s'en vont. À partir de là, l'info circule un peu, notamment celle que le lendemain, ils reviennent encore pour du diagnostic avec les naturalistes. Un cabinet d'études lié au département, et du coup, nous, on arrive à faire en sorte que les naturalistes en lieu y viennent aussi. C'est seulement à partir du jeudi que les travaux viennent et que tout le monde est au courant. Une des raisons pour lesquelles ça s'est bien passé en début de semaine, c'est que pendant 2 jours, il n'y a pas eu de travaux, et le seul jour où il y a eu des travaux, personne n'était au courant qu'ils allaient venir. Enfin... Et puis comme tout allait hyper vite et que ça venait, comme on l'a déjà expliqué pendant super longtemps, à la suite de plein de renoncements successifs, bah il y a quelques personnes qui, le jeudi matin, ont décidé de bloquer les travaux. C'est que j'ai l'impression aussi un des trucs dans les enjeux, là, les trucs que nous on maîtrise pas trop, c'est que les interactions qu'il y avait eu jusque-là, aussi maigres soient-elles, c'était avec la préfecture sur les questions de la route. La préfecture, on a l'impression que jusqu'à présent, elle fait des choix pour que ça se passe pas trop mal. Intérêt que le département n'a pas l'air d'avoir, et du coup il y a aussi des enjeux entre la préfecture et le département, et qui fait qu'aussi on a plusieurs interlocuteurs sur cette question-là, et que selon de quoi on veut parler, il faut qu'on parle à l'un ou à l'autre, et que ça facilite pas la situation, quoi. Et jusque-là, la communication, elle se fait toujours de façon officieuse, avec une ou deux personnes qui communiquent avec le DIRCAB, et on n'a aucune visibilité sur les travaux à venir. Comment ça va se passer, combien il y aura de véhicules pour prendre en charge les travaux. Plein de gens sont pas favorables à ce que ces travaux aient lieu, même si une grosse partie du mouvement est pour. C'est vécu comme une dépolitisation de la lutte, et plein de facteurs mélangés font que des gens bloquent le jeudi matin. Quoi. Du coup, ça fait que les travaux n'ont lieu ni jeudi ni vendredi. Le jeudi matin, les travaux sont bloqués. Le jeudi soir, c'est la réunion du jeudi des occupantes, c'est une longue réunion où on essaye de trouver un accord pour pouvoir, que les travaux reprennent, mais que ça nous convienne, et ça marche pas. En gros, le problème, c'est que il y a des gens qui sont pas fermés à ce qu'on ait des revendications claires sur l'avancée des travaux, mais qui pensent que pour être... soutenu dans ses revendications, il faut qu'on soit capable de donner des garanties que si c'est d'affirmer que si c'est ce qu'on demande c'est rempli, et ben les travaux ils pourront avoir lieu sereinement, et que on n'arrive pas trop à sortir de la réunion avec quelque chose de consensuel et de clair à ce sujet, quoi. Du coup la personne qui est en lien avec eux leur dit bah non, revenez pas demain. Le lendemain, ils reviennent quand même, mais en gros, ils sont poliment invités à partir boire un café. Et sur ces entrefaites, je sais plus qui reçoit un coup de fil de la préf qui dit en gros, soit les travaux ils peuvent reprendre cet après-midi, soit la prochaine fois qu'ils viennent, c'est avec les flics. Le samedi. Bah, le samedi, il y a une super grosse réunion. Ouais, super réunion à Gourville. Dans laquelle on arrive à se mettre d'accord entre occupantes et occupantes sur qu'est-ce qu'on veut exactement comme garantie pour que les travaux reprennent. Et plutôt on tombe tous d'accord. Vas-y. Juste on en sort enjoué, moi je trouve pas. Enfin, moi en tout cas j'en sortais enjoué pas tant sur le contenu qu'on avait réussi à élaborer, mais sur le fait que ça prenait en compte plein de gens, plein d'avis, ouais. que plein de gens différents étaient présents à cette réunion et que ça faisait comme une impression que ça allait avoir de la valeur ce qu'on s'était dit. Ouais. Quoi. Et ça fait se dire, bon, bah, de ce côté-là, ça bouge, allons voir côté composante. Et je crois notamment là, c'est pour ça que la position elle bougeait, c'est que pas mal de gens qui s'opposaient aux travaux ou qui tenaient des positions de principe, ils s'y opposaient notamment, bon, au-delà des questions de politique, mais ils s'y opposaient notamment pour des questions de processus, que ça avait jusque-là été super foireux à travers les autres composantes, et qui espéraient qu'au sein de la nôtre, ça se passe mieux et de façon beaucoup plus horizontale, etc. Et je crois que si des personnes ont changé de position ce samedi, c'est parce qu'on était sur une dynamique un peu plus horizontale, comme ce qu'on recherche, en fait, idéalement. Ouais. Il y a un petit truc qui va un peu changer la donne, il me semble. Ou plusieurs petits trucs, d'ailleurs. Mais notamment un, c'est le lundi. Où le lundi, les travaux reprennent avec 54 fourgons, je crois, le lundi. Voilà. 54, tout compris. Hein. Voilà, bâcher militaire. Avec l'hélicoptère, des drones, les physionomistes, un camion avec une caméra télescopique qui sort du toit et un petit bidule qui écoute les gens. Plein de flics équipés de caméras. Voilà. Le PSIG Sabre. Qui est un PSIG spécialisé antiterrorisme. Voilà, qu'ils arrivent. Très, très tôt. Ils arrivent à 7h30 du mat, ils prennent toute la route, ils font un dispositif policier hyper important au nom de la sécurisation des travaux. Des armes de guerre. Avec des armes automatiques type FAMAS et MP5 le matin dans les premières heures. Du fait qu'ils sont hyper nombreux et du fait que c'est pas du tout pratique et qu'on n'est pas sur une position consensuelle, nous ne caillassons pas ces fameux policiers, nous ne les attaquons pas, ni quoi que ce soit. Et bizarrement, du coup, les travaux reprennent, hein, sans être bloqués. Étrange. Et ils reprennent sur un mode gros bourrin. Voilà, curage jusqu'à l'argile, coupe au ras des arbres, voire même avec les lamiers qui écorchent le tronc, enfin, des choses comme ça, là. Donc, d'un côté, il y a ça, qui va durer, et que plutôt, la préfecture avait dit, si ça se passe bien, on allégera le dispositif. On a eu la sensation que pour eux, alléger le dispositif, ça voulait dire retirer un camion tous les deux jours. Quand on a 54 camions, ça fait vraiment pas beaucoup. Et en même temps que ça, il y a un truc assez clair de, on galère à fond pour réunir autour de ces questions dont on vient de parler, là, de comment on veut avoir prise sur la route, comment on veut qu'il n'y ait pas de police, comment on veut avoir les plannings, plans, etc. Et qu'en fait, ça, on n'arrive pas du tout, à la fois entre occupants et occupantes, et encore moins au niveau du mouvement, à faire quelque chose de collectif là-dessus, où on porte ses revendications à tout plein de gens avec un rapport de force face à l'État, quoi. Ça ne marche pas. Du coup, un gros sentiment de solitude qui s'installe. Les composantes, elles nous accusent, ou elles accusent les personnes qui ont bloqué le chantier, de dire, bah voilà, vous avez bloqué, du coup, vous prenez les flics dans la tronche. Quand pour moi, les demandes qui étaient faites de visibilité, de comment ça doit se passer les travaux, elles étaient vraiment légitimes. Et du coup, dire, bah voilà, vous prenez les flics dans la gueule, c'est de votre faute, vous pouvez bien rester tout seul, elles sont difficilement entendables par tous les gens qui se lèvent, enfin, ou qui ont les flics à leur porte tous les jours, et qui en fait n'étaient pas pour que ces travaux se passent dans cette temporalité-là, en fait. C'est que les travaux, ils se passent parce que, justement, les autres composantes ont décidé qu'ils se passent aussi rapidement, enfin, ce truc de stratégique de... La préfète nous a dit, on a jusqu'à vendredi, du coup on le fait parce qu'on pense que c'est stratégique. Ben, en fait, plein de gens pensent l'inverse, quoi, que stratégiquement c'était une erreur. Donc il y a effectivement quelques dizaines de personnes qui se relaient pour veiller à ce que les flics ne fassent pas d'excès de zèle. Et voilà, c'est arrivé deux fois qu'il y ait des lieux de vie qui soient visités par les flics, c'est-à-dire voilà, qui rentrent et qui retournent tout, parce qu'il n'y avait pas d'habitants dedans. Enfin, c'est des conséquences qui sont payées par des personnes qui sont pas, enfin, qui n'ont pas pris part à la décision de bloquer la route, quoi. Et à ça s'ajoutent des contrôles en périphérie, que ce soit aux entrées des quatre voies, dans les bourgs, les machins, des contrôles des véhicules avec différents arrêtés préfectoraux qui t'interdisent de transporter tel ou tel matériau, qui font que, en fait, la présence policière, elle touche pas mal de monde. Mais les sensibilités par rapport à ça sont pas du tout les mêmes. Il y en a qui sont apparemment, qui veulent absolument pas entendre le fait que c'est une occupation militaire. En tout cas, qui minimisent assez grandement cette présence-là et comme quoi c'est pas grave parce que vous voyez, ça se passe bien et du coup, ils sont là pour faire les travaux. Ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions en interne, encore en fait des sentiments d'être arnaqué possible avec les promesses de « on vous soutiendra pour les lieux de vie ». Sauf que pour beaucoup de personnes, c'est le préambule aux expulsions qui sont annoncées fin mars. Puisque les travaux, ils sont censés du coup continuer dans un bon mois, donc s'achever à fin mars, mi-mars, ce qui en fait fait une présence policière constante et un contrôle constant jusqu'à fin mars, où bah, y a des potentielles expulsions. Quoi. Ça alors, mais quel hasard! Quelle coïncidence de calendrier incroyable! Ouais. Il y a eu des propositions de soutien, d'amener, mettons de la part de copains, d'amener, de s'organiser pour qu'il y ait au moins deux ou trois personnes qui viennent par jour sur la route. Ouais, ça a été fait à des moments, je sais pas si ça a été fait sur la durée, mais en tout cas à des moments, c'est sûr, ça a été fait, il y avait des journées où ils étaient là. Oui, par contre, les réus, où. Lundi dernier. Ouais. Pour. Appeler à en fait, s'organiser, comment est-ce qu'on réagit face à l'occupation policière, quelles actions on met en place, comment on fait pour faire en sorte que ça ne soit plus, qu'il n'y ait plus d'occupation policière pour le reste des travaux. Et là, bah, il n'y avait personne. C'est que, du coup, ça met, je trouve, extrêmement peu en confiance des gens qui déjà doutaient de comment le mouvement post-aéroport il va continuer à être un truc qui tient le rapport de force face à l'État, qui pose des trucs en mode on veut ça et on va le faire en sorte de l'avoir, etc. etc. Et on prend en compte tout le monde. Et je trouve que ça fait aussi des situations hyper énergivores et hyper de tension quand t'es à la fois en train de mettre toute ton énergie à comment on fait pour que demain on est encore là et comment on fait pour que dans 10 ans on est encore là et ça rend complètement taré quoi. Du coup je trouve quand même on est un peu balèze. C'est que depuis les 3 semaines de travaux, donc là on en est au curage. Non, au busage. Pardon, on en est au busage. Donc ont eu lieu diagnostic, débroussaillage, curage et busage. Et sur ces 3 semaines, les seuls incidents entre guillemets qu'on pourrait dire, c'est les dégradations récentes sur des bus qui ont été posés à des endroits où soit elles ne devaient pas être posées initialement, et enfin c'est pas grand chose quoi, c'est des morceaux de béton qui ont été cassés. Enfin, c'est des incidents quand même franchement mineurs par rapport à ce qu'on mange ou ce que des personnes prennent dans la tronche depuis 3 semaines quoi. Et notamment parce que ça s'est passé notamment parce que Bure a été attaqué et que c'était un peu un truc en réponse à ça parce qu'en fait ils ont été attaqués quand même par les collègues des gens qui sont sur cette route. Hein. Les GM c'est tous un même groupe, c'est pas des gens très distincts. Et aussi dans ces plusieurs semaines de travaux là, il y a un autre travail qui a commencé et qui est la reconstruction du lama fâché. C'est-à-dire que le lama fâché du coup dont on vous a parlé qui a été démonté sur la route, c'est déplacé dans le champ juste à côté et c'est devenu un peu le QG de toute cette histoire de route. C'est un peu là qu'il y a la centralisation de les gens qui font du relais sur la route, qu'il y a la bouffe, le point com, le matos, etc., etc. Et que là, c'est un peu, à mon sens, une des choses comme continuer de construire derrière, continuer d'être positive et d'avancer sur, autour de la route et tout ça et tout ça. Et je trouve que c'est chouette de le dire. Qu'il y a eu plein de matos qui est arrivé, plein de matos qui a été proposé par des gens. Et que ça fait que ça a pu se passer vite. Et voilà, je trouvais ça chouette. Et donc là, on en est sur la fin du busage. Et reste à venir, on ne sait pas trop, on sait pas exactement parce qu'on n'a toujours aucune visibilité, mais a priori le goudronnage, quoi. Enfin, le bitumage. Et il est hors de question que cette route, elle retourne à 90 km/h. Et que pour l'instant, on n'a pas vraiment de garantie qu'on va obtenir nos limitations de vitesse et nos dodanes. Au moment où il y a eu ce processus tout pourri de dire on va enlever les chicanes, il y avait quand même un espèce d'engagement qui ensuite a été formalisé par un communiqué commun du mouvement de dire cette route elle doit être fonctionnelle pour tout plein de types d'usages différents, y compris des personnes à pied, à vélo, des gens qui habitent proches, qui se baladent avec des chiens qui se baladent tout seuls et compagnie. Du coup, elle ne peut pas rouler vite et si la préfecture n'accepte pas à nos demandes de y installer des ralentisseurs, on mettra en place des ralentissements nous-mêmes. Mmh. Et ça, c'est un truc qui est porté par tout mouvement. Ce qui est incroyable, hein, si vous avez bien écouté depuis tout à l'heure, c'est la première fois qu'on dit qui est porté par tout le mouvement. Que aussi, on m'a demandé des aménagements, type crapauduc, passage d'amphibien et compagnie. et que ça fait partie des choses qu'on, sur lesquelles on va avoir prise. On est loin du crapauduc, donc. Il y a le pari de la négociation qui se fait à côté de ça, et qui est une carte à jouer, et que le premier rendez-vous, il a lieu mercredi, dans, bah, demain. J'ai le sentiment que beaucoup de gens, ils essaient de tempérer des positions d'un extrême à l'autre. Et que ces personnes, elles feront peut-être pas ce travail-là de tempérance indéfiniment, qu'elles attendent d'obtenir des garanties, et que, en fait, si on voit que, notamment à travers les premiers rendez-vous de négociation, si on a plusieurs, et avec l'avancée des chantiers, enfin, l'avancée du chantier sur la route, l'avancée aussi du calendrier qui nous rapproche des expulsions, etc., si on voit qu'on n'obtient absolument rien, en fait, et ben on va accentuer le rapport de force, enfin, on va imaginer d'autres choses parce qu'on va pas se faire balader des semaines encore et continuer de faire des concessions. La route elle est moche. Vous expulsez nos maisons, nous expulsons vos ongles. Radio de l'accent. Vous êtes pas débarrassé, hein, c'est pas gagné. Can't trust the police. Who can you trust? Conclusion. C'est quoi la toute fin? Bah, la toute fin, c'est un peu le futur proche, quoi. Qui est que du coup, là, c'est le plan, donc ce truc de négocier, là, avec en plus, en parallèle, ce qu'on a dit sur la route qui se passe en ce moment et qui crée déjà un climat de tension et de négociation sous la négociation. Mais que là, il y a un truc du coup de... C'est hyper important de rester mobilisé pour créer un rapport de force pour soutenir cette négociation, pour est-ce qu'on va se faire expulser ou non après la trêve hivernale, pour comment on fait si... bah, ça fait partie un peu des négociations, on les soutenir, mais sur la route précisément, de comment on fait si ils nous disent « Ah mais on s'en fiche de vos ralentisseurs et de votre zone 50, 30 ». Voilà, un peu tous ces trucs-là et de... Comment on fait du coup pour, après tout ça, continuer de rester mobilisé et continuer à être un mouvement alors qu'en fait on a perdu plein de repères parce qu'il n'y a plus d'aéroport, parce qu'on a dû changer des pratiques politiques, parce que plein de choses comme ça quoi. Bah, c'est qu'il ne faut pas opposer négociation et rapport de force quoi. En fait, on obtient ce qu'on veut dans une négociation parce que... on a mis en place et on continue de mettre en place un rapport de force qui fait que on a suffisamment affaibli l'ennemi pour qu'il ait envie de nous donner une partie de ce qu'on demande, quoi. Mais moi, ce qui me faisait penser à un rapport de force dans ce qu'il y avait avant, c'est qu'il y avait une multiplicité des manières d'agir et des manières de poser une forme de négociation par rapport à ce truc d'aéroport là. Ce qui a fait que ça a marché, c'est qu'il y avait plein de moyens différents. Et que moi, je vois là, au sein de ce qui reste de ce qu'on appelle encore le mouvement, et ben, il y a comme une direction principale qui a l'air d'être incompatible avec les autres, tu vois. En tout cas, et qui du coup fait que ce rapport de force, il est très dur à même voir, parce que en fait. Là, les autres pratiques, les autres choses qui faisaient poids, qui faisaient sens et qui faisaient un peu, qui maintenaient un rapport de force, se retrouvent obligés d'être un peu calmés, tus ou mis de côté parce que sinon négociation marche pas quoi. Et alors même qu'on ait confiance, qu'on croit un peu en ce truc de négociation ou pas, on est quand même tout plein à dire ouais mais en fait il faut qu'on continue de parler des choses ici. Qui sont pas négociables et qui rentrent pas dans ce cadre-là, qui sont en fait un tas de pratiques comme soit illégales, soit subversives, soit les deux à la fois, et qu'en fait ça va pas être en signant un bout de papier avec l'État qu'on va les tenir, et que du coup il y a plein de choses qui vont devoir se mettre dans la pratique derrière, et que ces trucs-là ils sont pas forcément visibles et lisibles, mais pourtant c'est pour beaucoup d'entre nous ce qui fait du sens à vivre ici. Ces espaces-là, hors normes, hors règles, hors état, etc., qu'on essaye de créer et ce qu'ils amènent. En plus, pour beaucoup d'entre nous, c'est dans ce genre d'endroit-là là, qu'on fait le plus vivre, j'ai l'impression, ou en tout cas, vivre de manière visible, contre l'aéroport et son monde. Et que ça, j'ai l'impression, du coup, c'est évidemment un peu la suite du programme, là, le et son monde. Mais que, vous voyez, ça... Enfin, ça se fait pas en deux jours et que c'est clair que ça va être vraiment compliqué à porter pour la suite, là, parce qu'on sait même pas comment on va vraiment réussir à porter notre vie sur Ozone, là, et que du coup, on a plein de trucs qu'on a vraiment beaucoup d'envie et d'intérêt à faire continuer de vivre ici, mais qui sont clairement mis en danger par l'espèce de par tous les flous qui va rester en fait quoi, et que ce soit accueillir des gens sans papier ou en cavale, que ce soit continuer à s'organiser sur des points de vue illégaux ou d'action illégale, que ce soit continuer à émettre sur les radios en piratant 107.7, que ce soit voilà plein de choses quoi, qu'en fait on peut pas discuter de tous les détails en grand groupe parce que il faudrait une semaine continue d'âger. Et voilà, et qu'il y a plein de trucs comme ça où ça va être compliqué de les faire passer, et sûrement il va y avoir des trucs qui vont traîner. On est plein à craindre un peu, par exemple, le fait que l'État y aille petit à petit et qu'il fasse des choses un peu en scred, qui sont pas assez violentes pour faire une mobilisation énorme de plein de gens qui s'énervent, mais qui sont quand même suffisamment normalisantes pour mettre des coups durs à ce qui se passe ici en termes de pratiques qui nous font du sens, quoi. pour justifier la direction qui est choisie d'aller négocier le terme, le projet d'association provisoire et définitive, etc. Il a pas mal été entendu le terme de manteau pour dire voilà, c'est une protection qu'on se donne et en dessous de laquelle on peut continuer d'exister librement et avoir nos pratiques illégales, etc. Ce à quoi avaient répondu certaines de, en fait c'est pas un manteau, c'est une camisole quoi. Moi je crois pas que parce qu'on est expulsable, l'État va venir nous expulser frontalement. Je pense que ça va être beaucoup plus subtil que ça. C'est ce que je crains parce que c'est ce qui me semble le plus pertinent à faire. Je vois bien les risques qu'il y a à nous attaquer de façon frontale parce que grande mobilisation en face, etc. Je pense que l'État est plus malin que ça et donc oui je crains plutôt une normalisation de nos pratiques au fur et à mesure. Et j'espère qu'on aura l'intelligence de voir ça et de sortir de cet engrenage dans lequel on se risque là. Malgré qu'on ait obtenu des choses, je pense qu'à un moment il faudra savoir rompre. Et bah, je compte sur notre intelligence pour ça. Bah, c'est que j'ai un sens. Enfin, on l'a déjà dit quoi, que la négociation c'est un risque qu'on prend. On sait pas tous les jours pourquoi on le prend, mais à des moments on sait. En tout cas, moi je me sens fluctuante. Je sais pas si ça se dit, mais. Et que j'ai l'impression que, quand même, en vrai, ici on a un espace qui est énorme et une diversité de personnes qui est assez ouf. Et que ça, ce que ça permet, j'ai l'impression c'est assez rare et riche pour que ça vaille le coup de se dire en fait quelle est l'option qui nous garantit. On pense au mieux que ça continue d'exister, comme ça existe à l'heure actuelle. Et aussi pour qu'on puisse continuer, je pense, à soutenir plein d'autres luttes, parce que on a accès à de la terre pour produire des tonnes de patates, parce qu'on a de l'espace pour expérimenter plein de formes de vie, d'entraide et de solidarité, et de... comment on reprend nos vies en main, comment on gère nos conflits sans les flics, sans la justice et tout. Enfin, que moi je trouve ce qui est compliqué dans la période actuelle, c'est que quand bien même, là je le dis juste pour moi, quand bien même les négociations et tous ces processus dans lesquels on est, ils amèneraient une certaine forme de normalisation, ben ça vaudrait quand même grave le coup de rester parce que. Que tout ce qu'on peut quand même faire ici, on peut pas le faire ailleurs, quoi. Bah c'est les points de rupture des différentes personnes, quoi. Mmh. Ouais, donc tu vois, entre tes idéaux à toi et puis ce qui est permis de faire collectivement parce que ce territoire-là, il existe, enfin, de comment tu te positionnes dans tous ces trucs-là, je trouve que c'est un peu les grosses prises de tête en ce moment, quoi. C'est que ça dépend complètement de ce pourquoi t'es là, en fait. Mmh. Il y a des choses qui font que la situation actuelle ne permette pas, en fait, à d'autres personnes d'atteindre en gros leurs objectifs, on va dire, leurs intérêts ou ce pourquoi en fait ils trouvaient cette zone intéressante. Et du coup, bon bah ça marche pas. C'est vrai que moi, tu vois, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont possibles, que ça en fait une zone qui est moins pire que le reste, qui est mieux dans plein de contextes et plein d'espaces, c'est mieux que le reste et que je trouve ça trop bien. Puis c'est même pas tant sur ce truc de l'objectif en fait, c'est comment on y va à cet objectif, qui est du coup tendance à être plutôt déprimant en ce moment. Quoi. Mais si on veut dire aux gens qui nous écoutent qu'il faut rester mobilisé, je pense qu'il va y avoir plein de trucs à faire dans les périodes à venir pour lesquelles c'est important de rester mobilisé. C'est important de rester mobilisé pour résister à des tentatives d'expulsion. Il y a plusieurs grands moments assez longs de rencontres qui sont prévus là pour la fin mars, début avril, qui sont en train d'être mis sur pied, de en fait en gros d'organiser des camps où c'est complètement possible de venir et de voilà de faire de la présence sur place. C'est possible d'ores et déjà dans vos comités de soutien de réfléchir à qu'est-ce que vous mettriez en place localement si jamais il y a une tentative d'expulsion, qu'elle soit le 1er avril ou un peu plus tard. Pour si y a des gens qui ont envie de faire des communiqués pour dire qu'il faut que la police parte et que c'est pas normal que la police soit sur la route, c'est tout à fait possible. Et voilà, et que dans la. Enfin, c'est sûr que là, on va à des négociations. On ne sait pas exactement c'est quoi la taille de notre rapport de force. Peut-être que dans une première phase, l'État va nous dire d'aller nous faire voir. Et c'est sûr qu'il va falloir continuer d'être mobilisé sur le terrain, se préparer à des occupations, des occupations d'institutions, des grosses manifestations, des blocages, des sabotages, un peu partout. Enfin, je veux dire, c'est pas fini, quoi. Il faut aller mettre des boules puantes à la chambre d'agriculture, il faut saturer les lignes de la PREF, il faut... pour montrer que... Il y a une grosse force... Je sais pas, juste de dire que... Pour l'instant, de ce qu'on porte pour le futur de cette zone, il n'y a pas grand-chose qui est acquis, et que du coup, on aura probablement besoin de plein de soutien à des moments. Et c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment des appels pour l'instant qui sont très clairs d'ici, sur les négociations notamment, parce que, en fait, on teste des trucs où on ne sait pas ce que ça va donner, mais que peut-être à un moment, on se sentira tous beaucoup trop carna, et à ce moment-là, on fera « Ah !» et qu'on changera de plan, et que du coup ça implique faire d'autres choses, mais qu'en fait ça n'empêche pas qu'en attendant il peut se faire plein de choses à l'initiative des gens pour soutenir cette démarche-là, et que aussi c'était pour ça qu'on faisait ce document-là, qui est que les gens puissent comprendre ce qui est porté depuis ici, dans les grandes lignes, et du coup savoir si ça leur est botte ou pas de soutenir ça, et dire ah ouais je trouve machin, enfin vous voyez. Mais qu'il y a ce truc que ouais en fait même si on s'est fixé des points de rupture à des moments, il n'est pas extrêmement clair de à quel moment c'est trop et de à quel moment on tire la sonnette, quoi, on va dire. La sonnette d'alarme, j'entends. Mais y a pas, pour moi, la sonnette d'alarme, elle n'est pas forcément tirée au moment où c'est trop, en fait. Je veux dire, ça n'a pas encore été imaginé, mais c'est carrément possible d'imaginer que pendant les rendez-vous de négociation, à chaque rendez-vous de négociation, il y a des rassemblements devant la préfecture, avec des banderoles, avec des slogans. Enfin, je veux dire, c'est pas... Il faut les pousser dans le bon sens, quoi, ces petits gens du gouvernement, quoi. C'est pas obligé d'attendre qu'ils nous crachent à la figure avant de leur péter à la gueule, quoi. Voilà, vous ne le savez pas encore, mais vous avez rendez-vous avec vos amis demain, soir, pour savoir comment vous mettez du rapport de force pour soutenir la ZAD dans son avenir. Et vous avez rendez-vous fin mars aussi. Et vous avez rendez-vous fin mars pour qu'on pose tous ensemble, fin mars, début avril, pour qu'on pose tous ensemble ce truc de « En fait, on va tenir un rapport de force là-dessus et on va poser collectivement avec tout ce qu'il faut pour que ce soit entendu par le gouvernement. » Et voilà. Et qu'on espère que ce truc qu'on vient de faire, là, qui vous explique tout ça, ça vous aiderait à capter pourquoi vous avez envie de faire ça et qu'est-ce que ça implique et pour soutenir quoi. Pourquoi vous n'avez pas du tout envie de le faire. Mais qu'au moins, vous compreniez ce qui se passe ici dans les grandes lignes et qu'est-ce que ça implique du coup de se tenir par exemple que la ZAD aille en négociation, ça veut pas juste dire on soutient que la ZAD aille parler avec l'État, mais ça veut dire on soutient que tel point qu'on a expliqué là, l'amnistie, le gel et les expulsions, les non-expulsions, ça se passe le plus possible auprès de ce qu'on demande de ce qu'on porte ici quoi. Non, on est hyper fort. Tu peux le dire plus fort et en articulant bien. Là, on est hyper fort. Madame la préfète, si tu nous écoutes. On est blindés comme jamais. Et on est capable de résister à tous tes plans machiavéliques. 87.5, 107.7, Radio Klaxon. Ça claque. Est-ce qu'on a vraiment tout bien expliqué? C'est toujours mon angoisse. You know the violence is a disease going to be a part of your lives and your future if you don't do something against it. But if we put our energies together, it could be a very powerful era. Riot sound effects can produce riots. Play them in the right situation and the police will come, you see. The kids are united and they never be divided. Play this game right. No difference between black and white. The difference between young and old. Just pointing out that cuts on the ghetto blaster can be used as a weapon. Fight!